Le sport c'est l'action, lève ton bras garçon. Car de toute façon personne ne fera ta place quand elles sont. Multiplier les forces, c'est là qu'elle touche le point de mire. Au pire c'est à nos petits enfants qu'on redonnera le sourire. Ma voix dérange, arrange ceux qui vivent encore dans des cranges. Et sa personne trouve ça étrange. Je rappe vite, sur speed, excite, invite mes beats à prendre leur trip. Ouais, pour leurs idéaux. Car l'indifférence est un fléau qui n'a pas rongé ceux qui siègent au panthéon. R comme un homme libre, free comme un jeune livre. Pour moi ben je l'ai, pour mes peines marquent. Trop de cœurs givrent avant leur père. Austère, austère, on se dit qu'on se perd sur nos putains d'air. J'suis pas prétendeur pour le trône, microphone check. J'ai le marqué dans les yeux, trop de monde, je respecte. Ici on s'y va pas rien, le sourcil a fait des carrières. Casse pas la tête, y'a plein de monde qui savait pas hier. Quête libre n'a pas de prix, y'a pas de machine arrière. Pleinement le cri, mais personne protège ses arrières. Nos rimes sont mortelles, comme le venin d'un bois. Nos voix pètent des tympans comme une meute de chien qui aboie. Quand on prend le mic, on rend visible ce qui n'est pas. Liberté, sortons en tribune pas. Nos rimes sont mortelles, comme le venin d'un bois. Nos voix pètent des tympans comme une meute de chien qui aboie. Quand on prend le mic, on rend visible ce qui n'est pas. Liberté, sortons en tribune pas. J'aime fort parceller les chances qui tombent par an dans cette vie. On signe ton hôtesse, qualité d'origine quand on écrit. On t'adore, au niveau musical on plafonne. On entend nos cris de guerre, même si à mal donne. Y'a trop de points de raison pour donner le temps. Déjà tué le temps, la suite elle s'entend. On valorise notre rapport. On taquine, tacle les nôtres pour moins d'une plaque. C'est dur de voir le corps de son frère chisant dans une flaque. Les grammes filent, que nos destins c'est mal les drames filent. Quoi qu'on entame, Gino, le mauvais sort le deal. Rien à branler, mon mode de vie me convient. J'reste précisien, mon gétrim d'où j'viens. C'est précis comme un bon joint. À part toi et ta personne, diriger ta vie ou te guider, c'est tout comme R comme un homme libre, ivre, sur ce groupe vibre avec la rage d'un tigre. Je reste fidèle aux mes ententes, quand je sors je tente. Diviser le bien le mal, faut qu'on trouve une fente. On se prélasse, chercher des solutions restant sur place. C'est aussi bête que croire qu'un oiseau en vol laisse des traces. Je parle de ce que j'ai en ville, prie la main qu'on vit. Je te confie au bal de l'espérance, là on ne passe et se lance. Dis-moi, avec quoi tu roules, avec qui tu roules, avec quoi tu tournes, je dirai pourquoi tu t'écroules. Nos rimes sont mortelles, comme le venin d'un bois. Nos voix baissent des tympans comme une meute de chien qui aboie. Quand on prend le mic, on rend visible ce qui n'est pas. Liberté, sortons en tribune pas. Nos rimes sont mortelles, comme le venin d'un bois. Nos voix baissent des tympans comme une meute de chien qui aboie. Quand on prend le mic, on rend visible ce qui n'est pas. Liberté, sortons en tribune pas. Nos rimes sont mortelles, comme le venin d'un bois. Nos voix baissent des tympans comme une meute de chien qui aboie. Quand on prend le mic, on rend visible ce qui n'est pas.